Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Sirène inquiète sur le devenir de notre bonne vieille planète. Vous inquiète ? Allez, allez, venez, on ouvre les portes de notre bon vieux club. C'est la nuit des temps, et en débutant ce soir dans une ambiance très piano-bar, c'est juste le temps pour nous de programmer quelques sons, d'ouvrir nos chakras, de se remettre de 2023 et se diriger tranquillement vers le dance floor. Voici le jazz cool de Vena et Marco Bernardis. Il pense à l'équinoxe et il pense au volcan aussi. Et plus précisément, au mont Shasta, situé en Californie, quelque part dans la chaîne des cascades. Et ça passe par le pylône de Radio Duo pour inonder le ciel de Saint-Étienne et vos oreilles. C'est la capitale de la Géorgie en Europe de l'Est. Et sans faire un cours d'histoire, trois dates à retenir. 1991 avec la chute soviétique, 2003 et la Révolution des Roses, un mouvement citoyen qui entraînera le renversement du gouvernement, et puis, en 2008, le retour de l'armée russe. Ça vous rappelle rien tout ça ? Eh bien en tout cas, malgré ou grâce à ces soubresauts, la vie nocturne de cette capitale a tenu bon. Tbilissi a même vu sa scène électro se déployer dans les années 2000. Et c'est ce qu'on a appelé justement le son de Tbilissi. Et voici tout de suite dans la nuit des temps et sur Radio Duo Gigi Jikia, qui se fait plus couramment appeler HVL. Nous sommes à La Fabrica, c'est un club situé rue Ninosvili, à côté du quartier historique. Nous sommes en 2015, et voici le merveilleux et néanmoins inquiet Wild Combination. La nuit des temps, Radio Duo. Bloody Rains, Crazy That You Love. Nous sommes à Londres et nous sommes en 2021. Et vous traversez les jeudis soirs de Radio Duo. On file en 1984 à Trinité et Tobago dans les Caraïbes. C'est Shadow, alias Winston Bailey. Et c'est notre powerplay de la semaine. Un chef-d'œuvre remasterisé en 2012 par Frank Merritt dans son Cavalry Studio à Londres. Without love, hell, I know it's the same thing. Alors nous sommes d'humeur terriblement cool ce soir, dans la nuit des temps. Cool, cool, cool. Et ça, ça sonne magnifiquement bien, Amphindler. Ce garçon originaire de Détroit, il a travaillé avec George Clinton ou Sly and Robbie. C'est dire s'il est cool. Can we pretend to be cool? C'est la question. Et nous sommes en 2009 au Pash Studio à Manchester, on reste en Angleterre. Et qui arrive en même temps que Amphindler? Kenny McMartin qui débarque avec sa basse Fender. C'est de la pure dentelle du puits. La nuit des temps, l'international de la danse. ça c'est cool. Un Findler. Et ça regrimpe tout doux sur la fin. About going to a show, a classical concert, or seeing the superstars from India, or a local Bhangra gig. If for any reason at all, the show doesn't take place, then you get a no-nonsense refund. We won't give you any excuses. We will put your money on the table as you rightly deserve. So make sure your next ticket is bought at Sina Radio and you can go to the show with peace of mind. Well worth the journey. It could turn out to be very En 1986, Bappy Lahiri est entré dans le livre des records. Bah oui, il a enregistré, tenez-vous bien, plus de 180 chansons en une année. C'est le Travailler Plus, adapté à la pop indienne. Il a aussi trusté les charts indiens dans les années 80 et 90, en particulier pour ses bandes originales de films. Et puis, Bappy, il a été l'un des premiers à introduire les synthés dans la disco indienne. On le retrouve ici dans la BO du film Saib. Nous sommes en 1985. Et ça raconte l'histoire d'un gamin qui va tout faire pour vivre son rêve, jouer au foot. Arre pyar kar le Nuit des Temps, Radio Duo. हमें पैसा नहीं प्यार चाहिए, कोई मन चाह दिलदार चाहिए। हीरे मोतियों से जहां दिल ना तुले, सपनों का ऐसा संसार चाहिए। ये भी होगा थोड़ा इंतजार कर ले, यार बिना चैन कहां। नहीं चाहती नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चाहती नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चाहती नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। Il y a 13 332 km entre New Delhi et la Guadeloupe. Voici Cassava. It's a real, real man that can handle it. Come baby, come, come handle it. Dans mon lit, freaky bad girl fell in show. C'est pas possible, oh ah. En slow motion, put it down on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. En slow motion, baby, ride on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. Kito, kito, kito, remets la taille qu'on libère ton bébé. Kito, kito, kito, remets la taille qu'on libère ton bébé. Oula, oula, oula, oula. Véronica, le sort des îles. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Parti très loin, viens t'en prendre soin. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Je veux mourir laissé dans le vent. Tout ce parfum qui se repart. Ça me rend toute mille. Je deviens toute mille. Laisse-moi au moins t'approcher, oh, et te toucher, oh, et te sentir, oh, oh. C'est ça mon projet, oh, et un bisou, oh, oh. Kito, kito, kito, veme, la taille qu'on libère ton veme. Kito, kito, kito, veme, la taille qu'on libère ton veme. Oula, oula, oula, oula. Là où voulez-nous qu'y aller, un petit côté non trouvé, un petit côté qui est caché. Civilisation pas maniée. C'est vous seul qui m'aimez. La peau n'est pas qu'à trouver. Pour moi, elle peut faire découvrir. En qui j'en invite, mais si créons là. Oulé. Oulé. Oulé. Là où vous nous qui arrivez. Si la limite est qu'éclairée. Nous qui comprenons n'a pas vrai. Et nous qui quoi nous qu'à rêver. Oulé. Oulé. Oulé. Oulé. Oulé. Oulé. things to taste and you tell me what you think, okay? Alright, taste this. Is that good? Real good? Okay, you like this. Alright, now wait. Taste this. Port play de la semaine, Shadow, dont la carrière avait été flinguée par des critiques complètement injustes. Let's make it up et big up à Shadow. International de la danse. Can't stand that losing. De Shadow en 1984 depuis les Caraïbes. Je viens juste de tomber amoureuse et de démissionner de mon travail. Je vais trouver une nouvelle motivation. Bon sang, ils me font travailler si dur. Au travail dès 9h et je finis après 5h. Et ils me tapent sur les nerfs. Non, non, non, tu ne détruiras pas mon âme. Break my soul. Searching for love, looking for something that lives inside me. devagar e vou descalço pra aproveitar. Se o mundo é teia, vamos nos encontrar. Se o mundo é teia, nem sua cartomante ao nos escrever te fez visualizar. Mas um dia após o outro, de repente o ouro fez se revelar. Começou lentamente um olhar reluzente que modificou nosso jeito de ver a gente. O meu corpo me guia pra junto de nós, pra junto de nós, pra junto de nós. Cartomante, ao nos descrever, te fez visualizar. Mas um dia após o outro, de repente o ouro fez se revelar. Começou lentamente um olhar reluzente que modificou nosso jeito de ver a gente. O meu corpo me guia pra junto de nós, pra junto de nós, pra junto de nós, pra junto de nós. Très haut dans le ciel et on voit déjà le bout de la piste arriver pour un atterrissage en douceur. Thank you. c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club avant de retrouver tout à l'heure, comme à la radio duo, comme à la radio duo sous la neige, comme à la radio duo sous le vent, comme à la radio duo dans la nuit. Ce sera dans quelques minutes, un tout petit peu après 22h, le temps d'installer les machines, de brancher les platines, de sortir peut-être même des vieilles bandes magnétiques et de triturer les sons pendant 2 heures avec un petit verre de rhum. Et écoutez l'inouï sous les étoiles de Saint-Étienne. Et avant de fermer la nuit des temps, avec quelques bonus, eh bien, qui nous avons pu recevoir ce soir sur notre tapis rouge qui ferait cramoisir d'envie Régine et ses discothèques? Eh bien, nous avons reçu Vena et Marco Bernardis depuis les montagnes californiennes, un bout des USA, rien à voir avec Trump. Il y avait aussi HVL depuis les clubs de Géorgie, Aurora di Reins, également beaucoup pour son son, mais un peu pour son nom, j'avoue. Aurora di Reins, c'est pas mal. Le génial Shadow décongelé de 1984 est tout droit venu des Caraïbes. C'était même notre powerplay cette semaine et je vous invite à écouter son album réédité en 2012. Une merveille. Il y avait aussi Amfindler pour le cool, Don Leger pour le sucré, Bappy Lahiri pour le Bollywood, Cassav, ah Cassav, pour le plaisir total et absolu. Et puis Beyoncé, parce que voilà, c'est le bon moment. Son album Renaissance a un peu plus d'1 an et c'est cool de l'écouter tranquillement aujourd'hui. Et puis on écoutait également Diogo Strauss qui nous a emmené vers les bonus de cette semaine, puisque tout à l'heure on va écouter dans quelques minutes Adrianne Soisa pour sa reprise de Kim Carnes, Bette Davis Eyes, puis juste après Robin Van Smith, et si jamais notre camarade de Comme à la radio duo encore 2 ou 3 câbles à brancher, eh bien peut-être qu'on pourra même écouter une démo des China Crisis. Un truc assez super des années 80, totalement oublié. On réouvre les portes de la nuit des temps jeudi prochain. Le pylône est toujours dressé sur Saint-Étienne. Radio Duo émet ses bonnes ondes, libre et sauvage. Buena notte. Salut! Sweet surprise. And music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got big baby's eyes. Angel diss you, she's an issue. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a problem. Be shy.